Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 34. De la perfection de l'enfant conçu. Sanctification de son âme et de son corps, au premier temps de la conception, usage du libre arbitre, possession de la vision béatifique. 1. Le Christ a-t-il été sanctifié par la grâce au moment même de sa conception? L'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Luc 1, 35. Le Père l'a sanctifié et l'a envoyé dans le monde. Jean 10, 36. Nous l'avons remarqué. La plénitude de la grâce qui sanctifie l'âme du Christ dérive de son union avec le Verbe, selon cette parole de saint Jean, nous avons vu sa gloire, comme la gloire que reçoit de son Père le Fils unique. Il était plein de grâce et de vérité. 1, 14. Nous avons pareillement démontré que le corps du Christ a été animé et uni au Verbe dès le premier instant de sa conception. Le Christ a donc été, dès cet instant même, sanctifié quant à son âme et quant à son corps. Note. Pour nous, nous devenons saints, de pécheurs que nous étions, mais le Christ a été fait homme et saint tout ensemble. Voilà pourquoi l'ange dit à Marie, l'être saint qui naîtra de vous. Fin de la note. 2. Le Christ a-t-il l'usage du libre arbitre au moment même de sa conception? Doué d'une âme parfaite dès le premier instant de sa conception, le Christ posséda, à ce moment même, l'usage de son libre arbitre, car, si la perfection dernière consiste dans l'opération et non dans la puissance ou dans l'habitude, il a eu, dans ce premier instant, les opérations spirituelles qui se produisent instantanément, or telles sont celles de l'intellect et de la volonté, dans lesquelles consiste l'usage du libre arbitre. Note. L'exercice du libre arbitre n'est autre que l'élection, pour laquelle la délibération du conseil n'est nécessaire qu'à cause de l'incertitude de l'esprit, possédant, dès le principe, toute certitude, le Christ put choisir d'une manière instantanée. Rien n'empêche d'admettre en lui une opération de l'intelligence et de la volonté, indépendamment des sens. Nous avons vu que, par le moyen de sa science infuse, son intelligence pouvait entrer en exercice sans les images sensibles. Fin de la note. 3. Le Christ a-t-il pu mériter dès le premier instant de sa conception? Le Christ a été sanctifié par la grâce au moment même de sa conception, mais il y a deux sortes de sanctification, celle des adultes, qui exige un acte de leur part, et celle des enfants, qui s'accomplit seulement par la foi de leurs parents ou de l'Église. La première est évidemment la plus excellente, or celle du Christ a été la plus parfaite qu'il soit possible d'imaginer, puisqu'il a été sanctifié pour être le sanctificateur des autres. Par conséquent, elle s'est opérée avec le mouvement de son libre arbitre vers Dieu, mouvement très méritoire. Il en faut conclure qu'il a mérité dès le premier instant de sa conception. 4. Le Christ a-t-il la claire vue de Dieu dès le premier instant de sa conception? Le Christ, comme homme, a joui de la béatitude dès le premier instant de sa conception. La grâce, dont il avait reçu la plénitude, ne pouvant pas être oisive en lui, il posséda dès ce moment la claire vue de Dieu, beaucoup plus parfaitement que tous les habitants du ciel. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.